Si j'ouvre ma bouche, c'est pour les nôtres et pour tous ceux qui restent sans voix, qui se battent pour garder la tête haute sans oublier qu'ils viennent d'en bas. Fidèle depuis l'époque où on partageait les fonds de poche, je me suis trop serré la ceinture, impossible que je baisse mon froc. Ma gueule, on baisera tout. Un 8 micro tête, je mélange micro nitro, je pète tout avant que le rideau se baisse. Si t'as poncé mes sons, t'as arrondi mes fins de mois. J'écris sur papier de verre, ça se ressent à mon grain de voix. Je crains quoi? Que les flammes envahissent mon coin de rue. Je distribue des cocards à ceux qui encaissent mal mon point de vue. On vit dans ce monde malade, soumis par les choix d'une élite. 49-3, c'est le résultat de la fièvre du pays, j'avance en persistant. C'est pas un hasard si j'ai vécu 30 ans à la station qui porte le nom d'un résistant. 10 ans plus tard, je te jure je referai la même. Malgré cette haine qui balade dans mon beat comme si c'était alien. Comme un sale con je m'acharne, toujours pas de rond, pas de liasse. Le chemin sera long comme les couloirs de la station Montparnasse. Y'a pas de magie pour s'en sortir, faut prendre des risques forts. Pour qu'être mené à la baguette soit pas notre triste sort. Toutes mes paroles sont cogitées, corrigées pour qu'à la fin ça te fasse vibrer comme si j'étais un peu le son de la basse. J'y mets du cœur et vu la sueur que je lâche, j'espère qu'elle donnera des couleurs à ceux qui fanent même dans la fleur de l'âge. Le poids sur nos épaules se résume avec des mots. Vu que l'enfer c'est les autres, on reste avec les nôtres. 7-5-9-1. Même dans la fleur de l'âge. Le poids sur nos épaules se résume avec des mots. Vu que l'enfer c'est les autres, on reste avec les nôtres. L'histoire se répète comme s'il y avait de l'écho. Et malgré ses défauts, on fera le taf sans blabla. Le poids sur nos épaules se résume avec des mots. Vu que l'enfer c'est les autres, on reste avec les nôtres. L'histoire se répète comme s'il y avait de l'écho. Et malgré ses défauts, on fera le taf sans je sais bien ce qui m'attend, j'ai baisé grave des tapins. Dans les bras de Satan, dans des draps de satin. Y'a plus rien qui m'atteint, des milliards de haters. La rue n'aime pas quand tes billets ont les couleurs des Lakers. Tout ça les fait sourire, demander de l'aide on ne sait plus très bien. Ils vont te laisser mourir si t'es pas ukrainien. Parole de banlieusard, ceux qui sont bons qu'à agresser des types. À partir en Thaïlande pour caresser des tigres. Ici c'est Pattaya, dans un pays qui laisse pas le mât. Dans liberté qui fait la chasse aux filles en abaya. J'ai du sang métissé, arabe comme l'épicier. Ça rigole pas, j'ai pas la vie pour faire un bêtisier. Être humain irritable, venu taper le premier qui ricane. Au niveau lyrical, je fais du Cyril Gann. Je suis dans un monde à part, je viens de l'Essonne, je laisse. Je suis le papa de ton papa, j'ai percé sa jeunesse. Alors d'où vient ma haine? Persécuté, n'oublie jamais ces fils de pute, ils ont buté Naël. On est toujours de mèche, dans les conflits, tu peux me croire, les clashs de merde. On connaît ça depuis les classes de neige. Ça fait des tafs chelous, ça vend la drogue, demande aux frères. Et le deuxième n'est pas offert, on n'est pas afflelou. Dans un monde chaotique, sur les réseaux, j'ai voulu suivre le bonheur. Mais je suis tombé sur un compte parodique. Le poids sur nos épaules se résume avec des mots. Vu que l'enfer c'est les autres, on reste avec les nôtres. L'histoire se répète comme s'il y avait de l'écho. Et malgré ses défauts, on fera le taf sans blabla. Le poids sur nos épaules se résume avec des mots. Vu que l'enfer c'est les autres, on reste avec les nôtres. L'histoire se répète comme s'il y avait de l'écho. Et malgré ses défauts, on fera le taf sans blabla.